نعم دونك كومونس ان شاء الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد donc on continue encore une fois dans l'explication du livre et dans la lecture du livre de Abu Othman Ismail ibn Abd al-Rahman al-Sabouni, et c'est le livre Aqibat al-Salaf ou Ashab al-Hadith. On a lu avant la pause, avant la salat, l'histoire de Sabir ibn Asal et comment Omar ibn Khattab a agi avec lui, et c'était en fait pour le protéger contre lui-même et contre la fitna qu'il avait, yani, de poser des questions qui en fait n'étaient pas des choses fondamentales, et donc pour l'inciter à se préserver et à se concentrer sur ce qui était essentiel et ce qui était plus fondamental. Maintenant, on continue encore avec d'autres citations des salafs que le cheikh Abu Othman a mentionné dans le livre. Donc, il mentionne par la suite une citation de l'imam Malik ibn Anas. Il dit: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ابن موسى السلمي أخبرنا محمد ابن محمود الفقيه المروزي بها حدثنا محمد بن عمير الرازي حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى حدثنا أشهب ابن عبد العزيز سمعت مالك ابن أنس يقول أي إياكم والبدع إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. Donc ça a été rapporté que Ashhab ibn Abd al-Aziz a dit: j'ai entendu Malik ibn Anas qui disait: prenez garde aux bid'ah, prenez garde aux innovations. Alors on a demandé: ya Aba Abdullah, et qu'est-ce que sont les bid'ah, qu'est-ce que sont les innovations? Il a dit: les gens de la bid'ah, ce sont ceux qui parlent au sujet des noms et des attributs d'Allah, et de la parole d'Allah, et de la connaissance d'Allah, et de la puissance d'Allah, et qui ne se taisent pas au sujet des choses, ou qui ne se taisent pas au sujet des choses que les sahaba et les tabi'in n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas parlé de ces choses-là. Les sahaba et les tabi'in n'en ont pas parlé. Et donc, eux, ils ne se taisent pas de ce que les sahaba et les tabi'in se sont tués. Donc, ça, c'est un des signes des gens de bid'ah. D'accord? Et par la suite, les ulama, donc les gens de bid'ah sont arrivés en premier, au début, tout le monde était sur la aqidah des salafs. Tout le monde était sur une seule et même aqidah. Hein? Il n'y avait que la aqidah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, et qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, et les sahaba ne faisaient que suivre ça. Ils n'avaient rien d'autre en dehors de ça. Et les tabi'in, la même chose. Hein? il n'y avait pas d'autre chose que ça. Et par la suite sont venus les gens de Bid'a, hein, en commençant par les Khawarij, après les Shia, après sont venus les Qadariya, après les Mu'tazila, après les Jahmiya, et ainsi de suite. Ils se sont suivis un après l'autre. Et après il y a eu les Asha'ira, ainsi de suite. D'accord? Mais à la base, les gens étaient sur la voie des Salaf et ils suivaient une seule et même Aqidah. Donc, ils ont commencé à parler au sujet des noms et des attributs d'Allah, au sujet de la parole et de la connaissance et de la puissance et des choses de ce genre, et ils ont refusé de se taire. Donc les ulama d'Ahl-Sunnah ont été obligés de les réfuter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lit le livre des ulama qui parlent d'Aqidah, qui sont en réalité des livres de réfutation des bid'a, des gens de bid'a. Parce que s'il n'y avait pas de secte, s'il n'y avait pas eu de secte, il n'y aurait aucun besoin pour nous de lire ces livres-là. On aurait juste à prendre notre aqidah directement du Coran et de la Sunna, telle qu'elle était au temps des Sahaba. Mais lorsque les gens de bid'a sont arrivés et qu'ils ont amené des paroles que les Sahaba n'ont jamais dit, ni les tabi'in, eh bien, les ulama ont été obligés d'écrire des réfutations pour réfuter leurs idées, réfuter leurs paroles qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on lit ces livres-là. Et donc, aujourd'hui on voit que les livres qu'on étudie, comme les livres de l'Aqidah qu'on étudie, c'est des livres qui affirment l'Aqidah des Salaf, c'est-à-dire de croire en ce qui est dans le Coran et dans la Sunna tel quel. Hein, et qui réfutent en même temps les paroles des gens, des innovations qui ont ramené des bid'a dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que ces choses-là allaient arriver. Il a dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Donc il y a eu des avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait qu'il y allait avoir après, plus tard, beaucoup de divergences, beaucoup de désaccords. Alors il nous a incité de nous accrocher à sa sunna et la sunna des successeurs bien guidés après lui, c'est-à-dire les khulafa rachidin, hein, et de s'accrocher à ça et de mordre dedans comme si on mordait avec nos molaires. C'est une image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous faire comprendre avec quelle force on doit s'accrocher à ça. Et il nous a dit par la suite de prendre garde aux innovations, aux choses nouvelles dans la religion, parce que toutes les choses nouvelles dans la religion sont des bid'ah, sont des innovations, et toutes les innovations sont des égarements. D'accord? Et ensuite, il y a d'autres hadiths aussi qui nous disent que les musulmans vont se diviser en 73 sectes. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc il a expliqué que la Umma allait se diviser en 73 sectes et que une seule serait au paradis et les 72 autres seraient en enfer. Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel sera ce groupe ou cette secte qui sera sauvée? Eh bien, il a répondu, il a dit, celui qui suit ce que moi-même je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Si tu suis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, et tu suis ce que les sahaba ont suivi, tu es parmi la secte sauvée. Tu as les caractéristiques des gens qui seront sauvés, et qui seront pas parmi les 72 sectes qui iront en enfer. Et maintenant, quand on dit que les 72 sectes qui vont en enfer, eh ben, ça veut dire que ces 72 sectes-là, elles sont parmi les musulmans, excepté qu'ils ont des déviations et des péchés. Mais ils sont pas en dehors de la religion. Il y a certains qui pensent que si on dit qu'ils sont parmi les 72 sectes, ça veut dire qu'ils vont en enfer et qu'ils sont des kuffars. Et ça, c'est pas ça la compréhension des ulama de ce hadith. Les 72 sectes, ça fait partie de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils font partie des musulmans, excepté qu'ils ont fait de l'injustice envers eux-mêmes et envers la religion d'Allah, du sens qu'ils ont réfuté dans la religion ce qui n'en faisait pas partie, et à cause de ça ils méritent l'enfer. Ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Donc, on voit que l'imam Malik nous incite à dire de suivre ce que les sahaba ont suivi, et si vous faites ça, vous allez être bien guidés. Et c'est pour ça, yani, certains des ulama, ils disaient, par exemple, à propos des gens de Bid'a, disaient, mais pourquoi vous réfutez les gens de Bid'a? Ils ont dit, si vous taisez, si les gens de Bid'a se taisent, on va se taire, nous aussi. Mais tant qu'ils continuent, on continue à les réfuter. Hein, de cette façon-là. Mais, comme on sait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont toujours continuer à faire la fitna de toute façon, et ils seront nombreux, comme on lit dans les hadiths. Et il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être bien guidé et qui va suivre la Sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans les hadiths, comme il a dit, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahum ala dhalik. Il y a un groupe de ma Ummah qui seront toujours victorieux sur la vérité, et ceux qui les ont quittés ou qui les ont abandonnés ou qui les ont contredits, eh ben ils ne pourront pas leur nuire en rien, et ils seront comme ça jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Donc ça veut dire que chaque musulman, peu importe ce qu'il prétend de suivre, hein, il devrait avoir comme intérêt fondamental et principal dans sa religion de vouloir appartenir à ce groupe et de vouloir faire partie de cette secte. Et donc c'est pour ça que toute autre chose, tout groupe ou toute tendance ou toute secte qui n'a pas comme principe de s'attacher à la croyance qui est établie par le Coran et la Sunna et qui est suivie par les salaf salih, eh ben yani c'est un mouvement ou une tendance qui n'est pas basée sur la vérité et qui n'amène pas au droit chemin. Donc on va continuer maintenant à lire les explications du Cheikh Abu Othman et les citations qu'il a données des salaf à ce sujet-là. Il a dit « Akhbarana Abu al-Hussein Ahmad ibn Muhammad ibn Umar al-Zahid al-Khassaf, Akhbarana Abu Naim Abdul Malik ibn Muhammad ibn Adi al-Faqih, حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. Ça c'est une des citations qui est rapportée au sujet de l'imam al-Shafi'i et qui est authentique et qui dit que Rabi' ibn Sulayman a entendu l'imam al-Shafi'i qui disait que le serviteur d'Allah le rencontre avec tous les péchés excepté le shirk, c'est mieux pour lui, ou c'est préférable pour lui, que de le rencontrer avec une parmi les bid'ah, ou quelque chose de bid'ah, ou des ahwa. Parce que, on sait que les bid'ah, les innovations en fait, sont basées sur les passions. Et c'est pour ça que souvent les ulama, quand ils parlent des innovations, des bid'ah, ils les appellent par le mot, ou par le terme al-ahwa, c'est-à-dire les passions et les désirs. Hein? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui suivent leur passion. Donc l'imam al-Shafi'i, il dit qu'il préférerait rencontrer Allah avec tous les péchés, hein, excepté le shirk, plutôt que de rencontrer Allah avec une bid'a. Pourquoi? Parce que le péché, il est moins grave que la bid'a. C'est pour ça que beaucoup parmi les imams, ils ont dit, par exemple, comme l'imam, si je ne me trompe pas, Soufiane al-Thawri, il disait al-bid'a ahab ila iblis min al-ma'siyah. La bid'a, iblis, le diable, il préfère la bid'a par-dessus les péchés. Pourquoi? Parce que il a dit al-bid'a al-ma'siyah yutab minha, amma al-ma'siyah la yutab minha. C'est-à-dire, le péché, tu peux t'en repentir parce que tu sais que c'est haram. Tu le fais, mais tu sais que qu'est-ce que tu fais, Allah ne l'aime pas. Tandis que la bid'a, tu l'as fait et c'est haram et tu penses que Allah l'aime. Comment tu vas te repentir de quelque chose que tu penses que Allah aime? Et donc c'est ça le danger de la bid'a. Et c'est pour ça que l'imam al-Shafi'i, il explique, il dit qu'il préférait rencontrer Allah avec des péchés que de le rencontrer avec des bid'a. Et même, il y a des imams parmi les imams des salafs qui ont dit, je préfère voir mon fils entrer boit de l'alcool et fait des péchés que de le voir avec entrer chez des gens de bid'a qui parlent à propos des attributs d'Allah et de l'Qadar et d'autres aspects et qui le font sortir de la religion de l'islam après, par la suite. Donc, c'est pas pour encourager les gens à faire les péchés que les salafs disent ça. Mais c'est pour faire comprendre que par rapport aux péchés, les bid'as sont beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses parce qu'elles te rendent, elles te font aimer ce qu'Allah déteste. Et elles te font croire que ce qui est mauvais est bon. Donc ça, c'est encore plus dangereux. Et ensuite, le cheikh, il mentionne une autre citation, il dit, أخبرني أبو طاهر حدثنا أبو عمر الحياري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان بن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. C'est une des paroles qui est rapportée selon Omar ibn Abdul Aziz, le khalifa, qui était bien connu. On lui a demandé, ou un homme lui a demandé au sujet des ahwa, au sujet des bid'ah. Et il lui a répondu, il lui a dit, suis dans ta religion comme un enfant, et comme un bédouin. Et écarte-toi du reste. Ça ne rentre pas dans les questions de philosophie et de bid'ah et des choses de ce genre. Suis ta religion d'une façon claire et simple. Ensuite, il a dit, أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد. En passant, cette parole-là, par exemple, au sujet du sabi, de l'enfant, ou des vieillards, ou des choses de ce genre, quand on dit de suivre cette aqida selon les vieillards, c'est-à-dire les vieillards de l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, qui connaissaient la aqida des salafs, qui suivaient le Coran et la Sunna, non pas les personnes d'aujourd'hui, ni souvent les enfants ou les personnes âgées de notre époque, ils n'ont pas étudié la aqida, ils ne connaissent pas le Coran et la Sunna comme il faut. Et donc, pour eux aujourd'hui, des fois ils ont toutes sortes de bid'ah et de superstitions qu'ils ont ramenées de la tradition et non pas de l'islam. Et donc, il faut faire la distinction parce que quand le chef il parle des bédouins ou des enfants, il parle des gens de cette époque-là qui ne connaissaient rien d'autre que la aqida des salaf. Tandis qu'aujourd'hui, les gens de ces catégories-là, parfois, ils ont été éduqués, des fois, parfois, sur des fondements qui sont contraires. Et donc, il faut bien faire la nuance à ce sujet-là. Et ensuite, il dit, أخبرنا أبو عبد الله. Non, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, j'ai lu certains commentaires de certaines personnes qui parlaient, par exemple, l'islam de ma grand-mère, c'était un islam simple, c'était un islam, vraiment pas compliqué, elle me permettait de faire ce que je veux, des trucs comme ça, et donc elle avait des croyances contraires à la sunna, et donc elle se basait sur l'islam de sa grand-mère. Et moi, c'est juste pour faire comprendre que ça ne veut pas dire que, l'imam Omar ibn Abdul Aziz dit une chose comme ça, qu'il parle de ce genre-là, de cette idée-là ou de cette pensée-là, mais il parle des gens qui ont suivi l'islam et qui ont une base qui est correcte. Ensuite, il dit, أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. Ça, c'est une des paroles de l'imam Sufyan ibn Uyayna, qui est un des grands ulama et un des grands imams des salaf. Sufyan ibn Uyayna, qui était un des ulama de Mecca, à l'époque de l'imam Malik. Et, c'est un des huffars, un des ulama qui a préservé la sunna, un des grands ulama parmi les salaf. Il a dit, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, tous les attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même dans son livre, son explication est dans sa récitation. et on doit se taire hein, à ce sujet-là, c'est-à-dire pas rajouter rien d'autre. Et cette citation-là qu'il donne, l'imam Soufyan ibn Uyayna, il faut la mettre dans le contexte de l'époque où il commençait à y avoir des Jahmiyyah et des Mu'tazila qui commençaient à essayer de rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il essayait de faire comprendre qu'il faut croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son sujet, à propos de lui-même, et que l'explication de ces, l'interprétation de ces attributs-là, c'est tels qu'ils sont récités, et tels qu'ils sont compris dans la langue arabe. Ils n'ont pas besoin d'être déformés de leur sens. Parce que c'est ça ce que les gens de Bid'a faisaient à l'époque. Des fois, les Ahbash ou les Asha'ira, ils lisent les citations comme ça, les citations des Salaf, ils essaient de les interpréter selon leur aqida à eux, pour essayer de faire croire qu'il ne faut pas les comprendre, et que leur signification, qu'on ne peut pas connaître leur signification, hein, et ça c'est faux. Comme j'avais expliqué hier, on connaît leur signification de ces mots-là, comme l'imam il dit, tafsiruhu tilawatuhu. Son explication, c'est la façon dont tu le récites, c'est sa signification dans la langue arabe. C'est ça son explication. Hein. Et qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu te tais, c'est-à-dire tu rentres pas dans le kayf et dans le comment et commencer à expliquer ou à décrire les choses. Ou à essayer de déformer la signification de ces attributs-là pour nier leur réalité. Ensuite, il mentionne un autre exemple. Il dit أخبرنا أبو الحسين الخفاف حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا الهيثم ابن خارجة سمعت الوليد ابن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت بلا كيفية. Donc ça c'est une autre citation qui est rapportée, qu'on a posé la question à l'imam al-Awza'i, un des salaf, et à l'imam Sufyan ibn Uyayna, et à l'imam Malik ibn Anas, au sujet de tous ces hadiths qui sont mentionnés, au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au sujet du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, ou bien ils ont dit, la réponse à ça, amirruha kama ja'at. Prenez-les, laissez-les passer tels qu'ils sont. Hein? Bila kayfiyya, sans rentrer dans la description du comment et de demander comment. Et donc, tels que ces mots-là sont dans le Coran, à propos des attributs d'Allah, al-istiwa, al-nuzul, hein, dans le hadith, ou bien al-yad, wal-ayn, wal-mahabba, wal-hub, wal-radab, tous les attributs qu'Allah s'est donné, tu les prends tels qu'ils sont venus, tu les laisses passer, tu essaies pas de les déformer de leur sens ou de leur faire du tahrif ou nier leur réalité, et tu n'essaies pas non plus de décrire le comment de ces attributs-là. D'accord? Ça c'est la façon dont les salafs ont compris les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ba'd as-salaf, il dit, وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. Il a dit que certains des salafs ont dit que l'islam ne se tient pas fermement excepté sur la montagne de la soumission. C'est-à-dire que tu dois accepter les choses et te soumettre à ce que Allah t'a informé à son sujet, parmi les attributs qu'il t'a donné dans la révélation. Et également parmi les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a, dans lesquels Allah a expliqué ou a clarifié à sa créature les attributs et les qualités qu'il possède. Après, il a dit أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الخنيني حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. Donc il dit que il rapporte une narration d'un hadith qui a été mentionné, en fait il a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi et al-Khatib, il a été rapporté par al-Qadi Iyad. Et en fait qu'est-ce qu'il dit ici, c'est que il est sahih, le début du hadith il est sahih, la partie où on dit Bada'a l'islam ghariban, l'islam est commencé d'une façon étrange et elle terminera d'une façon étrange. Toutefois il semblerait que la fin qui mentionne la description par exemple qui dit ce sont ceux qui font revivre ma sunna après moi et qui l'enseignent aux gens, il paraît que cette suite là elle n'est pas authentique. Toutefois il y a d'autres hadiths au sujet des ghuraba, des étrangers, qui mentionnent d'autres descriptions ou d'autres explications à propos des ghuraba, c'est qu'ils sont un petit nombre de personnes qui font du bien et qui réforment parmi une grande quantité de gens qui font du mal, et peu de gens écoutent ceux qui réforment et qui appellent à la réforme et au bien. Et donc le hadith il dit que l'islam est commencé d'une façon étrange et qu'elle redeviendra étrange comme elle a débuté. Alors il donne la bonne nouvelle, ou la bonne nouvelle du paradis aux gens qui sont des ghurabas. Ensuite il dit أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكاريزي يقول سمعت علي ابن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام القاسم ابن سلام ما شاء الله يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. Il a dit, c'est une narration qui est attribuée à Abi Ubayd al-Qasim ibn Sallam, qui est un des imams parmi les imams des Salaf. Il a dit que celui qui suit la Sunna aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui s'accroche à une braise de feu, comme un charbon ardent, hein. Et il a dit que aujourd'hui, c'est préférable pour moi, celui-là est préférable pour moi que celui qui frappe avec l'épée dans le chemin d'Allah. Après, il mentionne une autre citation, il dit وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Donc il dit en fait l'imam Abu Othman il dit qu'il a été rapporté selon Al-A'mash, selon Abid Duha, selon Masruq, qu'il est rentré pour voir Abdullah ibn Mas'ud, et Ibn Mas'ud a dit ô vous les gens, si vous savez quelque chose dites-le, et si vous ne le savez pas dites Allahu a'lam, c'est-à-dire Allah sait mieux. Parce que parmi les choses qui font partie de la science, c'est que la personne qui ne sait pas dise Allahu a'lam, c'est-à-dire que Allah le sait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, dit je ne vous demande pas une récompense, hein, pour qu'est-ce que je dis, ou pour ce à quoi je vous appelle, mais et je ne suis pas parmi les imposteurs, al-mutakallifin. Il a mentionné ce verset-là. Ensuite, il y a la mention d'un long hadith. Et dans ce hadith, il y a des parties du hadith, il y a des parties dans cette narration qui sont authentiques, qui sont dans les hadiths authentiques, et il y en a d'autres parties qui sont pas authentiques. Donc, comme ça a été mentionné par le muhaqqiq, il a dit que le hadith il est daïf, mais dans le hadith, il y a des parties du hadith qui sont authentiques aussi. Donc, en fait, on va le sauter celui-là, puis on va rentrer tout de suite dans les autres sujets que l'imam Abu Uthman al-Sabouni a mentionnés, Maintenant, il a mentionné les sujets qui parlaient des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là maintenant il rentre dans les autres aspects de la aqidah des salafs au sujet de Yawm al-Akhir et d'autres aspects qui font partie des caractéristiques de la aqidah des salafs. Il dit al-ba'thu ba'd al-mawt. Parmi les principes d'Ahl al-Sunnah et al-Jama'a, c'est qu'ils croient en la résurrection après la mort. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني يؤمن أهل السنة والدين يؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم والحق واختلاف أحوال العباد من ذلك يوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والأجوبة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل والموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها. Donc le cheikh il fait un petit résumé des articles qui font partie de la foi, de qu'est-ce qui se passe après la mort, parmi les choses qui vont arriver au jugement au jugement dernier après la résurrection. Et il mentionne par exemple que on doit croire, ou que les gens de la religion et de la sunna, ils croient en la résurrection après la mort au jour du jugement dernier. Et que on doit croire en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à ce sujet-là, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, des terreurs de ce jour-là et de la prière de ce jour, et que c'est un jour de vérité. Et que tout ce qui va se passer des différents états des serviteurs par rapport à ce qu'ils ont fait dans la dunya, et il y a également le fait que on a des informations au sujet de ce qu'on va voir ce jour-là et de ce qui va nous arriver également dans ce jour. Aussi du fait que certains vont prendre leur livre de la main droite et d'autres vont prendre leur livre de la main gauche et ils vont devoir répondre au sujet de certaines questions. Et qu'il y aura également vers la fin des temps un grand tremblement et que bon, il y aura la destruction de la création et tout ça au jour dernier. Non, je m'excuse. Je te laisse là. Non. Et aussi qu'il y aura le pont qui sera dressé par-dessus l'enfer et qu'il y aura aussi la balance pour peser les actions. Et que les livres des gens vont être étalés, et qu'il y aura les balances qui vont peser les actions des gens. Même une atome ou une graine de moutarde, la quantité d'une graine de moutarde va pouvoir même être calculée par ces balances-là. Il n'y a rien qui va échapper à ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Donc tout ce que tu as fait, tu vas le voir ce jour-là. Maintenant il parle de l'intercession au jugement dernier. Il dit wa yu'minu ahlu ad-din min as-sunnati bi-shafa'ah ahlu ad-din wa as-sunnah bi-shafa'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam limuznibi ahli at-tawhid wa murtakib al-kaba'ir kama warada bihi al-khabar as-sahih 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa akhbarana Abu Sa'id ibn Hamdun أنبأنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر بن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Donc il dit que les gens de la religion et de la sunna, ils croient en l'intercession du prophète صلى الله عليه وسلم pour ceux qui ont fait des péchés au jugement dernier. Parmi les gens du Tawhid qui ont commis des grands péchés, ils auront une intercession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur au jugement dernier. Ça, ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna et des gens de Ahlul Hadith. Donc le cheikh il dit, Akhbarana Abu Sa'id, il mentionne une narration en fait, qui est rapportée selon At-Tirmidhi, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Bayhaqi et d'autres également. Na'am. Mais le hadith est sahih. Il dit l'isnad est da'if, mais le hadith est sahih. Donc c'est ça. Oui, donc le hadith ça dit quoi? Ça dit, c'est selon Thabit ibn Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon intercession est pour les gens qui ont fait des grands péchés parmi ma Ummah. Donc ils auront droit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les musulmans qui font des grands péchés, qui meurent par exemple, et qui ont commis des grands péchés comme par exemple al-zina, ou qui ont bu de l'alcool, ou qui ont mangé du porc, et qui sont morts sans se repentir, ça ne veut pas dire qu'ils sont coufards, et ça ne veut pas dire qu'ils vont être éternellement en enfer. Parce qu'on a vu, on voit dans ça le fait qu'il y aura une chafa'a pour eux, ça prouve qu'ils sont toujours des musulmans, sauf que yani, ils ont fait des grands péchés, et donc yani, ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont avoir une chafa'a pour eux au jugement dernier, que le prophète français va faire en leur faveur. Ensuite, il mentionne d'autres exemples. Il dit أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد أخبرنا محمد ابن المسيد الأرغياني حدثنا الحسن ابن عرفة حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن زياد ابن خيثمة عن نعمان ابن قراد عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المنقين لا لكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين. Ça, c'est une autre narration qui a été rapportée selon Abdullah ibn Omar, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a donné le choix entre la shafa'a et entre le fait de faire rentrer la moitié de ma ummah au paradis, et j'ai choisi la shafa'a parce qu'elle est plus générale et plus complète, hein. Et il a dit que, est-ce que tu vois que c'est pour les musulmans qui sont comme, qui n'ont pas fait de péché, mais qui se sont écartés des péchés? Il a dit non, mais ce sont pour les pécheurs, ceux qui se sont, disons, pollués eux-mêmes, et qui ont fait du mal, et qui ont fait des erreurs. Donc, ça c'est un autre hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Il dit, أما الشطر الأول من الحديث وهو قوله خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فأخرجه أحمد من حديث أبي موسى بإسناد حسن وله طرق أخرى وكذلك نعم طرق أخرى وكذلك في كتاب الشفاعة للمقبل بن هادي. ذكر première partie du hadith il a été mentionné, et que l'isnad est hassan, l'isnad est bonne. Toutefois, la deuxième partie, elle est, il semblerait qu'elle n'est pas authentique, la première partie. Ensuite, il mentionne une autre narration. toutefois, il y a la question de Ash-Shafa. Il y a beaucoup de versets et beaucoup de hadiths qui la supportent dans le Coran et dans la Sunna, autre que celui-là. Et il en mentionne un autre. Il dit Akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaymah, Akhbarana Jaddi al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, Haddathana Ali ibn Hajar ibn Ismail ibn Ja'far, an Amr ibn Abi Amr عن سعيد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب من قبل نفسه. نعم. Donc ça c'est un autre hadith, et ce hadith-là, il est authentique. Non. En tout cas, il y a des versions de ce hadith qui sont rapportées par Al-Bukhari et par d'autres savants de hadith. Et le hadith, ça dit quoi? C'est selon Saïd ibn Abi Saïd al-Khudri, al-Maqbari. Selon Abi Huraira, radiallahu anhu, qu'il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle personne serait la plus heureuse de son intercession au jugement dernier. Qui se réjouirait le plus de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jugement dernier. Alors il a dit, je ne croyais pas que personne autre que toi allait me poser cette question, ou allait me demander ce hadith. Hein, parce que je sais à quel point tu es, t'as un grand intérêt et un désir ardent pour apprendre les hadiths. Alors, il a dit, le prophète a dit, la personne qui sera le plus heureux de mon intercession au jugement dernier sera celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement, avec sincérité, avec pureté, hein, de lui-même, yani de son cœur. Donc celui qui aura dit la ilaha illallah avec ikhlas, il sera le plus heureux de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier. Et ça implique quoi? Ça implique qu'il a dit la ilaha illallah avec une compréhension de sa signification et qu'il n'a pas fait de shirk. Celui-là, il sera heureux de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus heureux de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier. Et donc, en ce qui concerne la question de shafa'a, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils l'ont affirmé. Et ils ont cru en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi il y a d'autres intercessions qui vont être faites au jugement dernier par les salihin et par d'autres prophètes aussi au jugement dernier pour des gens qui ont fait des péchés. Toutefois, il y a des gens de bid'a qui ont nié l'intercession, comme les Mu'tazila et les Khawarij. Ils ont dit non, il n'y a pas d'intercession pour les gens qui font des péchés. Une fois que tu es rentré en enfer, c'est fini, tu ne sors plus jamais, tu restes en enfer. Hein? Et si tu fais des grands péchés comme Zina ou bien d'autres péchés comme ça, des grands péchés parmi les kaba'ir, autres que le shirk, eh ben ils disent que tu es kafir. Hein? Par exemple, les khawarij, ils considèrent que celui qui fait des grands péchés, il est kafir. Et les Mu'tazila, eux, ils ont inventé la bid'a qu'on a décrite peut-être au début du cours, c'est al-manzila bayna al-manzilatayn. Ils disent non, il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. On l'appelle pas kafir, on l'appelle pas mu'min. Il est entre les deux, mais dans l'akhira, il est l'enfer pour l'éternité. Donc ils ont rejoint la parole des Mu'tazila. Les Mu'tazila ont rejoint la parole des Khawarij en ce qui concerne la conclusion de ces gens-là et leur destination après la mort. Donc tandis que Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont affirmé l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui font des péchés au jugement dernier, toutefois avec des conditions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Donc, les conditions pour que l'intercession soit acceptée pour une personne, c'est qu'il, premièrement, Allah ait donné la permission pour qu'on intercède pour cette personne, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait agréé, cette personne, et qu'il l'ait voulu, yani, pour cette personne, qu'on ait intercédé en sa faveur et qu'il n'ait pas fait de shirk. Parce que le mushrik, personne ne peut intercéder en sa faveur. Le mushrik, personne ne peut intercéder en sa faveur et il sera dans l'enfer pour l'éternité. Toutefois, toute personne qui meurt parmi les musulmans et qui a commis des grands péchés, hein, et ben, comme les ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a ont dit, il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner par sa miséricorde. Si Allah veut, il va le punir par sa justice. Hein, mais même s'il rentre en enfer, il ne restera jamais éternellement dans l'enfer parce qu'il a la ilaha illallah. Donc il va sortir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans certains hadiths, que toute personne qui a une graine ou une atome de foi sortira de l'enfer, il ne restera pas éternellement dans l'enfer. Ça c'est la aqidah de Ahl sunnati wal jama'a. Ensuite, il mentionne un autre point, mais avant ça, ok, ça c'est un détail. Après il dit al-hawd wal-kawthar, al-hawd wal-kawthar, c'est-à-dire qu'au jugement dernier, il y aura un bassin, et de ce bassin-là, les croyants vont boire au jugement dernier, dans ce bassin-là. Chaque prophète a son bassin, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura son bassin, et les mu'minines, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont pouvoir boire dedans. Tu peux le mettre ce dedans, c'est pas grave. Donc il dit ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. Donc ça c'est un point qui résume un peu qu'est-ce qu'on a parlé de ce quoi on a parlé dans le dernier point. Il dit que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on croit en ce bassin là que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les mu'minines, et il n'a pas décrit vraiment plus que ça la description de ce bassin-là, mais on sait que dans les hadiths authentiques qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, c'est que son eau est plus blanche que le lait, et plus doux que le miel, hein, et que le nombre des coupes ou des verres qui sont utilisés pour boire de ce breuvage est plus nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel, et que celui qui en boit d'une gorgée n'aura plus jamais soif, hein, et il y a beaucoup d'autres descriptions qui ont été faites également dans les hadiths au sujet de ce bassin-là, et que c'est les mu'minins qui vont en boire, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il parle du fait que certains parmi les mu'ahidines, certains parmi les musulmans qui ont établi le tawhid, qui n'ont pas fait de shirk, ils vont rentrer au paradis directement, sans aucun jugement ni punition. Hein, et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'ils sont 70 000. Et il a décrit qui ils sont. Il a dit, هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Donc il a dit que ce sont ceux qui ne demandent pas aux autres de leur faire la ruqya, ou ne leur demandent pas de leur faire le traitement avec le fer brûlant, c'est al-kay, comme c'est un remède qui était utilisé à l'époque et qui est encore utilisé dans certains pays comme un traitement de dernier recours, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il détestait ce traitement-là, parce qu'on utilise le feu avec ce traitement-là, donc, mais il l'a pas interdit, hein, mais il a dit que ça c'est le dernier recours. Donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, la yatatayyaroun, il ne se fie pas au mauvais présage de certaines choses pour s'empêcher de faire une action lorsqu'ils ont décidé de le faire, comme par exemple les gens qui se basaient sur les oiseaux, par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils voyaient que les oiseaux s'en allaient dans une direction quelconque, ils disaient, ah, ça c'est un mauvais présage, je vais pas voyager aujourd'hui. Ou bien, les gens qui croient aux superstitions, par exemple. Aujourd'hui c'est vendredi 13, je vais pas faire ça. Ou des trucs comme ça. ou un chat noir, ça, ça porte malchance. Oui, les échelles, pas passer sur une échelle ou pas casser un miroir, ça porte 7 ans de malheur. Ça aussi, c'est des formes de tatayur et ça, c'est contraire à, au tawhid, à la pureté du tawhid. Donc, tout ça, c'est des exemples et ils mettent leur confiance en Allah. Ça veut dire que ça, c'est les caractéristiques des gens qui ont parfait leur tawhid et eux, ils rentreront directement au paradis. Non seulement ils ont parfait leur tawhid, mais ils se sont écartés des péchés, parmi les grands péchés et les petits péchés et les bid'ahs et tous les aspects qui pourraient affaiblir leur tawhid. Ceux-là, ils rentrent direct au paradis et ils ne sont pas châtiés. Ensuite, il dit que il y a un autre groupe de la Ummah qui vont avoir un, ou bien il y en a qui auront un châtiment facile, ou pas un châtiment, un jugement facile. Allah subhanahu wa ta'ala va les juger facilement. Il y en a d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire rentrer sans qu'ils aient un châtiment, comme j'ai dit tout à l'heure. Et un autre groupe qui vont, parmi les pécheurs, parmi les musulmans, ils vont rentrer en enfer une certaine période de temps, puis Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer. Et il va les faire rejoindre leurs frères qui les ont précédés dans le paradis. Hein? Et donc ça c'est la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et ils savent avec certitude que les musulmans qui ont établi le tawhid, qui ont cru au tawhid et qui ont fait des péchés, eh bien ceux-là ils ne vont pas rester éternellement dans l'enfer. Et ils ne vont pas être abandonnés dans l'enfer. Contrairement aux kuffars, parce que les kuffars eux, et les mushrikins, eux, ils resteront éternellement en enfer et ils ne sortiront jamais et ils ne pourront pas s'excuser, demander des excuses et on ne va pas leur donner de répit et ils vont être humiliés dans l'enfer pour toujours. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera aucun croyant pécheur dans l'enfer. C'est-à-dire, parmi les pécheurs, parmi les musulmans qui ont fait des péchés, aucun d'entre eux ne restera en enfer. C'est-à-dire les gens de la foi, même s'ils ont fait des péchés, ils vont tous sortir de l'enfer. Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre et qui nous montre en même temps l'importance du tawhid, l'importance de bien comprendre la ilaha illallah. Ensuite, le cheikh il dit qu'on doit croire qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, comme on en a parlé déjà, il le répète, il dit « وَيَشْهَدُ رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ ربهم في الآخرة. il dit ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد في الخبر ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. Donc le cheikh dit que on doit témoigner, les gens de la sunna ils témoignent que les croyants vont voir leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection avec leurs yeux et ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que vous allez voir votre Seigneur comme on voit la lune lorsqu'il y a la pleine lune. Ça c'est sans mentionner les hadiths, les ayats dans le Coran qui mentionnent qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala comme wujuhu yawma'idhin nazira ila rabbiha nazira. Et yani wala dayna mazid wal ladina ahsanu al husna wa ziyada. Les ulama ils ont expliqué que az-ziyada c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, d'accord, c'est-à-dire les ceux qui ont cru ils auront le bien et plus encore. Et les ulama ont dit que qu'est-ce qui est de plus, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande récompense que le mu'min aura dans le paradis, le plus grand plaisir qu'il aura dans le paradis. Et il mentionne le hadith que j'ai mentionné, et il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous allez voir Allah comme on voit la lune dans ce monde, c'est pas pour comparer Allah avec la lune, mais c'est pour comparer le fait dans la vision, dans notre façon de voir, et non pas dans la chose qu'on regarde. Ça, c'est important de comprendre la nuance entre ces deux choses-là. Et il y a des gens de Bid'a comme les Mu'tazila qui nient ça, et les Asha'ira également. Les Asha'ira, ils disent qu'ils l'affirment, toutefois, ils disent qu'ils vont voir Allah, mais sans qu'il soit dans une direction. Et ça, c'est quelque chose de contradictoire en réalité, parce que tu ne peux pas voir quelque chose si ce n'est pas dans une direction. Et on sait tous que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, donc pour nous, il n'y a pas de problème d'affirmer la vue, mais pour eux, il y a un problème, parce qu'ils ne veulent pas affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et c'est pour ça qu'ils cherchent à déformer le sens du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc ils ont affirmé le mot, mais ils ont nié la réalité de qu'est-ce que ça signifie, dans le sens que ils ont nié qu'on va vraiment regarder Allah subhanahu wa ta'ala avec nos yeux. Bon, ensuite il parle de l'iman bil jannati wal nar, annahuma makhluqatan. On doit croire au paradis et à l'enfer et qu'elles sont créées. Yashhadu ahl sunnati ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا ويؤمر بالموت فيذبح على صور بين الجنة والنار وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت وعلى ما ورد على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que on témoigne, les gens de la sunna, ils croient au paradis et à l'enfer, et que ce sont deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elles vont demeurer, elles ne vont pas se dissiper ou cesser d'exister par la suite. Donc c'est clair que le paradis et l'enfer, c'est deux créatures qui vont demeurer par la suite éternellement. Et que le paradis, ceux qui sont rentrés au paradis ne vont jamais en sortir. Ceux qui sont rentrés en enfer et qui sont parmi les habitants de l'enfer et qui ont été créés pour l'enfer, ils n'en sortiront jamais, c'est-à-dire les mouchriquins et les koufars. Et non pas les gens qui ont fait des grands péchés, comme on a dit tout à l'heure, ceux-là ils vont sortir après. Et on va amener la mort sous la forme d'un, comme une, je pense un mouton ou une brebis ou un mouton, et on va l'égorger. Et il n'y aura plus de mort. Après, on va, c'est-à-dire il y aura une barrière, une séparation entre le paradis et l'enfer, et entre ces deux, sur cette barrière-là, on va égorger la mort. Et quelqu'un va appeler et va dire « Oh, habitants du paradis, c'est pour vous l'éternité, plus de mort. Oh, les gens de l'enfer, pour vous l'éternité, plus de mort. » Ça veut dire, à partir de ce moment-là, personne ne pourra plus mourir. Hein? Il n'y aura plus de mort à partir de ce moment-là. Et il y a beaucoup de hadiths rapportés à ce sujet-là, dans les hadiths authentiques, comme ceux qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Il y en a plusieurs dans ce sens-là. Ensuite, l'imam Abu Uthman, il mentionne la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne la foi, l'iman, et du fait que ça fait partie, que la foi comprend les paroles et les actions, et qu'elle augmente et qu'elle diminue. Donc il dit, « Wa madhhabu Ahlus Sunnati wa madhhabu Ahlul Hadith » أنا الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبدو que la position de Ahl al-Sunna ou de Ahl al-Hadith au sujet de la foi, c'est de dire que la foi, ça comprend les paroles et les actions, la connaissance, et que ça augmente avec l'obéissance et que ça diminue avec la désobéissance et le péché. Donc ça, c'est la définition de la foi selon les ulama d'Ahl al-Sunna والجماعة. وقال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب أو الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرت الله فإذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. Donc c'est une citation sur le fait qu'ils ont demandé à Ahmad ibn Hanbal au sujet de la foi et de la signification de la foi, ou de dire que la foi augmente et diminue, qu'est-ce que ça signifie. Et il a rapporté une narration qui arrête à Umayr ibn Habib, qui a dit que la foi augmente et diminue. Et on lui a demandé son augmentation et sa diminution, qu'est-ce qu'elles sont, d'expliquer qu'est-ce que c'est son augmentation, qu'est-ce que c'est sa diminution. Il a répondu, il a dit, lorsqu'on se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on le glorifie et qu'on le louange, hein, et qu'on le purifie, le purifie de toute imperfection et de tout défaut, ça fait partie de ce qui démontre que notre foi augmente. Et lorsqu'on est indifférent, insouciant, et qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la faiblesse, ou de qu'est-ce qui a affaibli notre foi. Ensuite, il dit, أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي حدثنا أبو عمرو الحياري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت الفضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. Ça, c'est une mention du Cheikh Abu Othman al-Sabouni qui mentionne des paroles qui ont été dites par plusieurs parmi les imams d'Ahl-Sunnah. Et en fait, même si tu regardes dans le livre de l'imam al-Lalaka'i, Usul i'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il mentionne l'aqida de l'imam al-Bukhari, et il dit l'imam al-Bukhari qu'il a eu 1000 parmi les ulama, parmi ses shuyukh, et il disait tous à l'imam qawlun wa amal. Il a rencontré 1000 parmi les imams d'Ahl-Sunnah, et à chaque fois ils disaient tous l'imam qawlun wa amal. Et donc dans cette citation ici, il dit que Yahya ibn Salim a demandé à 10 parmi les fuqaha au sujet de la foi, et ils ont tous dit que ça comprend les paroles et nos actions. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, ça rentre dans la définition de la foi. Donc, si tu dis quelque chose de bien, quelque chose que Allah aime, ou tu dis « La ilaha illallah » ou d'autres choses, ça fait partie de la foi. Si tu dis des mauvaises choses, ça montre que ta foi est faible. Tu dis des choses contraires à la foi, et des choses qui sont mauvaises, ça diminue ta foi. Si tu fais des bonnes actions, des bonnes choses, ça augmente ta foi. Tu fais la salat, tu fais le hajj, tu fais la zakat, tu fais d'autres choses de bien, tout ça fait augmenter ta foi. Tu fais des péchés, tu fais le shirk, tu fais des choses mauvaises, contraires à la foi, ça fait diminuer ou bien ça annule ta foi. Donc ça montre que la foi, c'est pas seulement une chose qui est dans le cœur, mais c'est également, ça comprend également les paroles et les actions qu'on fait. D'accord? Et quand on dit les paroles et les actions, ça veut pas juste dire comme ça ne veut pas juste dire les paroles et les actions telles qu'on le comprend quand on dit les paroles et les actions. C'est comme les ulama ont expliqué, c'est la parole de la langue et la parole du cœur, et les actions de la langue, les actions du corps, de la langue et du cœur. C'est tout ça qui est compris par les actions et les paroles. Et non pas seulement les actions du corps et les paroles du corps, mais aussi les paroles et les actions du cœur et de la langue, etc. Donc ça a été expliqué par l'imam Ibn Taymiyyah dans Al-Aqidat al-Wasitiyah. Il a défini ça et détaillé ça en détail. Donc il dit que, oh oui, aussi parfois des fois on voit la définition que certains ulama ont donné de la foi, ils disent « قَوْلٌ بِاللِّسَانِ اعتقادٌ بِالْجَمَالِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ » Des fois ils disent ça de cette façon-là, ils disent que c'est une foi qui est dans le cœur, une croyance qui est dans le cœur, une parole qui est avec la langue et des actions qui sont faites avec le corps. Donc tout ça aussi, ça c'est une autre façon de dire la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a d'une façon plus détaillée. Mais si tu dis qawlun wa amal, ça implique, comme j'ai dit tout à l'heure, la parole qui est dans la langue et dans le cœur, et les actions de la langue, du corps, de la langue et du cœur aussi. Donc ça implique ces trois choses-là également. Et donc il dit, il mentionne que plusieurs parmi les ulama et les fuqaha ont dit que la foi est inclue par les actions et dans les paroles et les actions, comme Hisham ibn Hassan qui a dit qawl wa'amal, et Ibn Jurayj, et Sufyan al-Thawri, et Al-Musanna ibn Sabbah, et Muhammad ibn Muslim, et beaucoup d'autres, comme je l'ai mentionné en arabe. Après il dit akhbarana Abu Amr al-Hiyari, حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص فقال أسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. Al-Humayd, il dit qu'il a entendu Sufyan ibn Uyayna dire que la foi comprend les actions, la parole, les actions, et qu'elle augmente et qu'elle diminue. Alors son frère lui a dit, Ibrahim ibn Uyayna lui a demandé, « Oh Abba Muhammad, est-ce que tu dis que la foi diminue ?» Il a dit, « Tais-toi, petit enfant, hein, petit garçon, hein, elle diminue jusqu'à ce qu'il ne reste rien. » Hein, elle diminue parfois même jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Et il y a beaucoup de preuves de ça. Que la foi augmente, il y a beaucoup de preuves dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Pour que leur foi augmente, pour que la foi soit augmentée à leur foi. Donc, il y a beaucoup de versets qui mentionne le fait que la foi augmente. En ce qui concerne le fait que la foi diminue, eh ben, il y a des versets aussi et des hadiths qui mentionnent ça aussi, comme par exemple le hadith qui dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » et etc. Donc ça veut dire celui qui fait le zina, il n'est pas mu'min lorsqu'il le fait, et ça veut dire que sa foi est diminuée. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi du tout, ça veut dire plutôt qu'il a de la foi, mais que sa foi est tellement faible que c'est comme si il est devenu faible dans sa foi, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça prouve que la foi diminue. Puis il y a d'autres exemples aussi qui sont mentionnés dans les livres par les ulama à ce sujet-là également, mais bon, on va pas les mentionner juste pour sauver du temps. Après le cheikh il dit « وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل يقولون لا إيمان إلا بعمل. » Donc Al-Walid ibn Muslim, il a dit, j'ai entendu Al-Auza'i et Malik et Saïd ibn Abdul Aziz qui réfutaient ou qui dénonçaient ceux qui disaient que la foi c'était juste de croire sans faire des actions. Et ils disaient, il n'y a pas de foi sans l'action. Donc tu peux pas dire par exemple comme les Murji'a qui disent par exemple que la foi c'est seulement de reconnaître la vérité dans son cœur, même si je fais aucune action. Hein. Donc ça c'est les gens de Béda parmi les Mourdjia qui disent que la foi c'est seulement qu'est-ce qui est dans le cœur. Et que tu, même si tu ne fais aucune action, tu as la même foi, même si tu fais aucune action obligatoire ou parmi les choses de l'islam, tu as le même niveau de foi que les anges et que les prophètes. Hein, et que les sahaba, et que les salikhin, Donc ça veut dire ton niveau de foi et le niveau de foi des plus pieux parmi la Oumma et les prophètes, c'est le même. Et que la foi elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, toujours le même niveau. Tout le monde est égal et a le même niveau de foi, et dans la même personne, sa foi elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Donc ça c'est la bid'a des murji'a. Et les murji'a sont des différentes catégories. Parmi les murji'a, il y a les jahmiya, qui disent que la foi c'est juste de connaître Allah. Hein? Il y a aussi les murji'a, hein? Les karamiya, qui disent que la foi c'est juste la parole. Hein? Donc pour eux les munafiqins sont des mu'minins. Il y a aussi murji'a al-fuqaha, eux ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Et il y a qui d'autre encore? Les Asha'ira. Asha'ira aussi font partie des Murji'a. Parce qu'ils disent que la foi c'est juste at-tasdiq, c'est juste de reconnaître la vérité qui vient d'Allah. Et que une fois que tu as reconnu ça, ça y est, tu es un mu'min. Même si tu fais rien de la foi. Donc ça c'est les différents groupes qui composent les murji'a, d'accord. À l'autre extrême, il y a les khawarij, qui disent que si tu n'as pas fait les actions, si tu as fait par exemple des grands péchés, tu quittes la foi complètement. Les murji'a ont dit, peu importe qu'est-ce que tu fais comme grand péché, ça ne diminue pas ta foi. Ça c'est l'autre extrême. Hein? Les deux c'est les gens de bid'a qui ont dévié à ce sujet-là. Ok, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le Cheikh, il a dit, donc il a expliqué ça. Ensuite, il dit, قُلْتُ فَمَنْ كَانَتْ طَاعَتُهُ وَحَسَنَتُهُ أَكْثَرُ. Et attends, juste laisse comme il faut. Ok, parfait. Donc il dit, قُلْتُ فَمَنْ كَانَتْ طَاعَتُهُ وَحَسَنَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرُ فَإِنَّهُ أَكْمَلُ إِيمَانًا وَمَنْ كَانَ قَلِيلُ الطَّاعَةِ كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. Ça c'est un point important que Abu Asman, Cheikh Abu Asman, il dit, celui qu'il a plus d'obéissance pour Allah et plus de hasanat, plus de bonnes choses qu'il fait, il est meilleur dans sa foi est plus complète que celui qui fait moins d'obéissance et qui fait plus de péchés et qui est plus insouciant, hein, et qui abandonne ou qui néglige des aspects. Celui-là, sa foi est plus faible. Et il y a des musulmans aujourd'hui qui ont cette aqida, qui ont la aqida des murji'a, ils ne s'en rendent même pas compte. Hein? Parce que tu les vois, par exemple, ils font des péchés, et quand ils voient des musulmans qui pratiquent certains aspects de l'islam, et qu'on vient pour leur dire, par exemple, mon frère, tu devrais faire la prière, ou tu devrais respecter certains aspects de la sunna qu'ils négligent, ils disent, tu n'es pas meilleur que moi. Hein? Ils disent ça. Tu n'es pas meilleur que moi parce que tu portes la barbe. Tu n'es pas meilleur que moi parce que tu fais, par exemple, tu lis des livres sur l'islam. Tu n'es pas meilleur que moi parce que tu fais ci ou ça parmi les bonnes actions de l'islam que l'islam ordonne. Hein? Et en fait, c'est une contradiction de dire ça de leur part parce que plus quelqu'un obéit à Allah et plus il s'éloigne des choses haram, plus il est meilleur dans sa foi, plus sa foi est forte. Hein? Et la foi, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu dis, c'est quelque chose qui est dans mon cœur, c'est caché. C'est quelque chose qui apparaît aussi, la foi. C'est pas quelque chose qui est caché. Et nous, en tant que mu'minine, on peut pas savoir ce qui est caché dans le cœur des hommes. Ce qui est dans le cœur des hommes, c'est Allah seulement qui le sait. Mais on voit les actions et on entend les paroles. Et nous, on se base sur ce qu'on voit et ce qu'on entend des gens pour déterminer et pour les juger. D'accord? Donc ça veut dire que si par exemple quelqu'un, tu le vois, il fait plein de péchés devant tout le monde et qu'il ne fait pas ce qu'Allah lui ordonne de faire et qu'il prétend qu'il a la foi forte et qu'il est un bon mu'min, on voit qu'il y a une contradiction là-dedans. Au moins s'il disait par exemple, je sais, je ne suis pas un bon musulman, j'ai plein de faiblesses, j'ai plein de péchés, mais je demande à Allah de me guider, je veux faire des efforts pour être meilleur, je demande pardon pour mes faiblesses et pour mes fautes, et je reconnais que j'ai des manquements, ça c'est la position du mu'min, il reconnaît ses, ses faiblesses et ses torts. Mais il y en a d'autres qui refusent ça et qui disent non, moi je suis un mu'min, je suis un croyant, je suis 100% musulman, même si je ne fais pas ce que je dois faire, même si je ne respecte pas les règles de l'islam, c'est pas grave, hein, je suis pas, t'es pas plus musulman que moi, et puis je suis autant musulman que toi, etc. Non, ça c'est pas correct, il y a de dire des choses pareilles. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la signification de la foi dans l'islam. Plus tu fais de bonnes actions, plus tu as un bon islam, plus tu as une foi forte. Et moins tu fais des péchés, plus ta foi est forte. Plus tu fais de péchés, moins tu fais de bonnes œuvres, plus ta foi est faible. Donc il faut travailler pour essayer d'augmenter toujours notre iman en faisant des bonnes œuvres et en s'éloignant des péchés. Après le cheikh dit, « وسمعت الحاكم عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن بانية الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر والله لا أستجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. الشيخ الزي كلا أعتقد أبو بكر بن محمد بن إسحاق كيادي. J'ai raccourci le snad parce que c'est pour sauver du temps encore. Il dit, j'ai entendu Ahmed ibn Sa'id al-Rabbat, Abdullah ibn Tahir m'a dit, oh Ahmed, vous détestez ces gens-là, mais vous les détestez par ignorance, hein, ou bien avec ignorance, c'est-à-dire, vous les détestez, mais vous ne les connaissez pas comme moi je les connais. C'est parce que moi je les déteste avec connaissance. Vous les détestez, mais vous ne les connaissez pas, vous ne les avez pas connus. Premièrement, ils ne reconnaissent aucune obéissance aux dirigeants. Hein? Ils ne voient aucune obéissance aux dirigeants. Hein? Deuxièmement, ils n'ont aucun respect pour la foi. Hein? Parce que, dis-moi, je me permets même pas de dire que ma foi est comme la foi de Yahya ibn Yahya. Ou comme la foi d'Ahmed ibn Hanbal. Je ne me permets même pas de comparer ma foi à la foi de ces hommes-là. Et eux, ils osent comparer leur foi à la foi de Jibril et de Mikaël. Hein? Donc ça c'est incroyable, Yannick. Donc ça c'est les Mourdia. Et ça nous montre en même temps que parmi les caractéristiques des Mourdia aussi, c'est qu'ils rejettent l'autorité des dirigeants. Et ça on le retrouve même aujourd'hui parmi les gens qui font partie des Mourdia. Hein? Ils disent que par exemple, parce que souvent tu vois cette catégorie de gens-là, c'est par exemple des fois tu vois certains musulmans qui sont intellectuels, éduqués un peu à l'occidental, hein? Et c'est-à-dire ils ont des repères dans leurs convictions personnelles sur le plan politique et autres, qui sont des repères. Par exemple, qui se basent sur la philosophie ou les idées des occidentaux en ce qui concerne par exemple la démocratie, la liberté, la laïcité, des trucs comme ça. Et donc, eux, ils veulent montrer qu'ils dénoncent l'injustice des dirigeants et qu'ils sont contre l'injustice et tout ça. Hein? Donc, d'un certain sens, ils rejettent l'autorité du dirigeant, comme les Khawarij. Hein? Et ils ont des tendances soufies. Hein? Et des tendances de modernité, soi-disant, d'interprétation de l'islam, d'interprétation soufiste, la foi c'est dans le cœur, et tout ça. Donc, ils n'ont aucun respect pour la foi. Et ils considèrent que leur foi est la même catégorie que la foi que les anges, etc. Donc ça c'est cette catégorie-là de gens qui montrent qu'ils sont sur la aqidah des Mourdia, mais en réalité ils ont des caractéristiques même avec la caractéristique des Khawarij. Et même parmi les Salaf, il y en a qui ont dit que tous les gens de Bid'ah sont des Khawarij. Tous les gens de Bid'ah sont des Khawarij. Ils se sont tous mis d'accord sur l'épée, c'est-à-dire de prendre l'épée contre les dirigeants. Donc ça c'est une des caractéristiques qui les réunissent presque tous. Hein? Après il dit « سمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح Ibn Hani, il reste deux citations à ce sujet-là. On va lire ces deux-là, puis on va prendre une pause, inshallah. إن سمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا أخرجه من الإيمان قال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجعا قال لا تقبلني لا تقبلنا المرجئة المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد ابن جحادة عن سلمة ابن كهيل عن هزيل ابن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح أو لا نعم donc qu'est-ce qu'il dit ici dans cette citation là il dit que Abdullah ibn al-Mubarak est venu dans la ville de Ar-Ray. Et il y a un homme qui est venu le voir parmi les Ubad. Hein, c'est un homme qui fait beaucoup d'adoration, mais il fait peut-être partie des Khawarij. C'est ça qu'il dit. Il a dit, Ya Abba Abdurrahman, qu'est-ce que tu dis à propos de celui qui fait le zina et qui boit l'alcool et qui vole? Et il a dit, je ne le fais pas quitter la foi. Je ne dis pas qu'il a quitté la foi. Il a dit, Oh Abba Abdurrahman, est-ce que à cause de la, maintenant que tu es devenu plus vieux, tu deviens un murdia, hein, un murdi? Il a dit, les murji'a ne nous acceptent pas. Les murji'a, eux, ils disent quoi? Ils disent que nos hasanat, nos bonnes actions sont acceptées et nos péchés sont pardonnés. Ils disent ça. Hein? Il y a beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui, ils ont la même idée. Ah, on peut faire ce qu'on veut parce que de toute façon, nos péchés sont pardonnés et nos bonnes actions sont acceptées. Ils sont certains que quand ils font des bonnes œuvres, c'est accepté déjà. Hein, et ils sont certains que leurs péchés sont pardonnés. Donc ils ont été en sécurité en ce qui concerne leurs péchés et leurs bonnes actions. Et lui, Abdullah ibn al-Mubarak, il dit, si je savais qu'une seule de mes bonnes actions a été acceptée, j'aurais témoigné que je suis dans le paradis. Et il a mentionné par la suite une citation qui est attribuée à Omar ibn al-Khattab qui dit, si on faisait la foi de Abu Bakr, et la foi de tous les autres êtres humains sur la terre, la foi d'Abu Bakr serait plus lourde que la foi de tous les autres musulmans. Et ça a été rapporté dans un hadith authentique. Donc ça c'est pour montrer que Abu Bakr et Omar et ces gens-là, eux, tu vois, tu compares leur foi avec la foi des gens de la terre, et eux ils craignaient pour leurs péchés quand ils faisaient des péchés, et ils espéraient. Ils avaient espoir à la maison d'Allah qu'ils faisaient des bonnes actions, et malgré tout, ils étaient promis d'entrer au paradis. Alors que ces gens-là aujourd'hui, et à l'époque des Khawarij et des autres, des Murji'a, ils prenaient ça pour acquis, yani. Donc on voit leur mauvaise compréhension de la foi. Et pour terminer, il dit « وسمعت أبا بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص دونك أحمد بن حرب الزاهد الذي Je témoigne que la religion de Ahmad ibn Harb, hein, par laquelle il prend sa religion, hein, c'est-à-dire il établit sa religion par rapport à Allah sur le fait que la foi inclut les paroles et les actions et qu'elle augmente et qu'elle diminue. Donc c'est comme un témoignage que cet imam, Ahmad ibn Harb, faisait partie des ulama ou des imams d'Ahl Sunnah et qu'il disait que la foi augmente et diminue et qu'elle comprend les paroles et les actions également. Donc on va s'arrêter à ce point pour faire une petite pause et puis on recommencera, Inch'Allah, après pour conclure cette aqida, si c'est possible, on va la terminer par la suite. Il ne reste pas beaucoup, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وفيكم بركه ان شاء الله.